Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. En fait, j'ai été 27 mois en déportation, c'est vrai, après avoir fait 10 mois de prison en France auparavant. Que ma vie en ait été modifiée, je ne sais pas. En tout cas, le contenu de mes écrits, certainement. Cette semaine, féminisme et résistance. Quand j'ai rencontré Louis Jouvet, encore une fois par hasard, puisque j'allais l'interviewer pour un petit journal d'étudiants, comme font tous les groupes d'étudiants de philo, il m'a demandé ce que vous vous intéressez au théâtre. Oui, certes, j'allais toujours dans les places à 4 francs, tout là-haut. Est-ce que vous avez songé à faire du théâtre? Je dis, moi, non, jamais. Et quand j'étudiais la philosophie, il me dit, mais ça vous intéresse, la philosophie? J'ai dit, oui, mais ça me passionnait. Trop d'idées, a-t-il dit. Portrait de femme au combat. J'étais à Auschwitz, pas pour rien. Je n'ai pas été arrêtée par hasard, j'étais dans la résistance. Et je n'ai jamais eu peur ni des gendarmes, ni de quoi que ce soit. Mais j'ai toujours eu peur de Jouvet. Alors, quand je suis rentrée, je lui ai dit... Eh bien, savez-vous, je disais quand j'étais là-bas, si je rentre, je n'aurai plus peur de Jouvet. Il en a pleuré. Charlotte, Delphine, Carole et les autres. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Paul Gradvol. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine dans un groupe de recherche qui s'appelle le Cercle, le Centre de recherche sur les cultures et les littératures européennes, France, Europe centrale, Europe orientale. Je traduis ce titre bizarre en langue commune. Nous sommes un groupe qui mélange des spécialistes de théâtre, puisque j'en ai un en face de moi, des spécialistes de littérature et de langue, et aussi des historiens. Et donc nous interprétons l'histoire sous un angle fortement culturel, y compris dans mon cas, l'histoire militaire, puisque j'ai travaillé sur la politique française face à l'Europe centrale entre les deux guerres, mais aussi l'historiographie elle-même. Et le grand avantage de la géométrie de ce groupe, c'est qu'on associe des gens qui travaillent à la fois sur la Russie, sur l'ensemble du monde russe au sens large, sur l'ensemble de l'Europe centrale, et que nous ne perdons jamais de notre petite lunette l'angle ouest européen. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Suisse est souvent assez présente dans les travaux des uns et des autres. Avec cette présentation, Paul Gradvol, je m'interroge en vous entendant sur... les chères têtes blondes qui se trouvent en face de vous quand vous donnez cours, parce que on peut dire que l'objet cercle ou sa forme, sa pratique est assez singulière, est assez originale. Autrement dit, quels étudiants se trouvent en face de vous qui, la plupart du temps, ont plutôt affaire à des cursus, à des formations, j'allais dire, et vous comprendrez les guillemets que je peux mettre, normales. Je comprends les guillemets, et ils sont justifiés au sens où vous mettez l'accent sur un souci de normalité, le désir de rentrer dans des cases, souvent au nom de la future pratique professionnelle qui domine aujourd'hui nos institutions et obsède les parents des charmantes têtes blondes susmentionnées. Dans la pratique... Heureusement, la vie nous réserve d'heureuses surprises. Les enseignants que je prodigue sont à destination de gens qui étudient le polonais, et souvent le polonais comme langue des affaires, c'est ce qu'on appelle la LEA, la langue étrangère appliquée en France. Et ces étudiants sont, ma foi, très heureux qu'on leur éclaire les comportements, les réactions des populations des pays sur lesquels ils travaillent, Pologne et Europe centrale, autrement que par des chiffres. Et quelquefois, on peut même aller jusqu'à associer une étude de l'environnement économique avec une étude de l'environnement culturel, car vous êtes bien placé pour savoir que la différence entre les deux, de fait, n'existe pas. Quand je vais plus avant, bien sûr, j'encadre quelques doctorants, mais surtout j'ai, grâce aux écoles doctorales de l'Université de Lorraine, la possibilité de former des doctorants qui ne sont pas les miens, soit à la préparation de la soutenance, soit à une réflexion sur la façon dont ils abordent leur thème de thèse au bout d'un an à peu près. Et là, le grand avantage de l'esprit du groupe de recherche auquel j'appartiens, c'est que nous sommes ouverts à beaucoup de disciplines. Nous sommes particulièrement sensibles à la façon dont la science et l'activité scientifique est perçue à travers l'ensemble du continent européen et au-delà, ce qui fait que ces formations peuvent les aider à comprendre la façon dont ils sont vus et la façon dont ils peuvent envisager, et ce sur des modes très différents, non seulement leur activité de recherche en tant que doctorant, mais aussi leur avenir. Et de ce point de vue-là, nous bénéficions de ce que j'appellerais la faiblesse du fort ou l'avantage du marginal par rapport au normal au sens de standard. Pourquoi ? Parce que quand on est en marge, on voit les possibilités et comme vous le savez, dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de l'humanité en général, les marginaux ont un rôle qui ne correspond pas à leur part statistique des différents groupes auxquels on les associe ou dont on les exclut. Ce centre d'études, le Cercle, a-t-il à votre connaissance des équivalences dans d'autres pays européens, Paul Gradvol ? Il y a de nombreux centres qui aujourd'hui cherchent à associer ces différentes dimensions. En France, le plus gros laboratoire, essentiellement littéraire certes, mais vraiment pas seulement sur l'Europe centrale et orientale, c'est Eurorbem qui est basé à l'Institut d'études slaves et à Sorbonne Université, et ce laboratoire associe aussi cette foultitude de disciplines et d'approches, et ce n'est pas pour rien s'il est au cœur de la revue Mémoires en jeu qui a commencé à paraître il y a très peu de temps et qui couvre l'ensemble du monde et pas seulement la Russie ou l'Europe centrale. Donc cette démarche existe. Je sais qu'à l'université de Genève, par exemple, quand je regarde mes collègues travailler, et notamment dans le monde russe, Corinne à ma chère, eh bien, le travail qu'ils font est extrêmement ouvert et je ne crois pas dire du mal de mes collègues suisses si j'insiste sur le fait que nombre d'entre eux, et on le voit vraiment dans les travaux de cette collègue qui en tant qu'historienne a aussi travaillé sur des hommes de lettres, je crois qu'on peut parler d'un esprit qui est largement partagé. Paul Gradvol, en 2018, vous étiez venu à Genève, dans le cadre du festival des rencontres Histoire et Cité, avec une proposition, pourriez-vous nous la présenter ? Alors, cette proposition est certes la mienne, mais aussi celle de Pascal Vachou, et nous avons monté notre opération commune, qui était une lecture de textes de Charlotte Delbault, entrecoupée de moments où j'intervenais, non pas sur le ton très sérieux d'une conférence, mais de façon sans doute un peu plus détendue, mais non moins dramatique, sur l'histoire de la vie de Charlotte Delbault. Et tout ça a été rendu possible par ma coopération avec Violaine Gély, qui est le co-auteur de la biographie de Charlotte Delbault, parue chez Fayard et ressortie en 2017 en livre de poche chez Fayard à pluriel. Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance, suite de l'entretien avec Paul Gradvol, historien et maître de conférences, biographe de Charlotte Delbault. Il est bien possible que parmi ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, le nom de Charlotte Delbault n'évoque malheureusement toujours rien. Il est temps donc de faire, comme on dit en langage technologique, les mises à jour, Paul Graboll. À vous les updates. Bon, j'ai craint le pitch, nous en sommes aux updates, bon, c'est nettement plus sympathique. Charlotte Delbo est née en 1913, morte en 85, ça c'est le défaut de l'historien, quelques dates. Pour le reste, ce que je pense on peut retenir de Charlotte Delbo si on ne la connaît pas, c'est que c'est une femme extraordinaire au sens premier de ce terme, et une femme aussi remarquable, car c'est un auteur sur le système concentrationnaire, c'est une voix sur ce système, au-delà de Auschwitz et Ravensbrück où elle a dû passer, qui est proprement saisissant. Et je conseille à tous les auditeurs suisses de relire « Aucun de nous ne reviendra », avec en plus le souvenir du fait que ce livre a été écrit en Suisse, entre le Mont-sur-Lausanne et Genève, quand Charlotte Delbo, ainsi que de nombreuses autres femmes qui avaient été internées en camp de concentration, a pu bénéficier de l'accueil des sanatoria suisses, le sien étant à Mont-sur-Lausanne. Et la force de ces livres est incroyable. À l'époque, le journal de Genève et la revue Annabelle avaient publié de petits textes de Charlotte Delbo, qui ensuite, ceux d'Annabelle, sont à l'intérieur du livre très légèrement modifié « Aucun de nous ne reviendra », qui est, j'ose à peine dire, un récit-poème, une œuvre à caractère difficile à résumer techniquement, mais qui est un livre qu'on ne lâche pas, et qui encore aujourd'hui saisit des gens à travers le monde entier pour que les auditeurs comprennent. Quand on demande à Ricky Pan, qui a été torturé au fameux camp S-19 ou 17 à Phnom Penh par les Khmers Rouges, il répond que une des choses qui lui a vraiment permis de survivre, c'est de lire Charlotte Delbo. C'est pour donner l'intensité de cette écriture. Et là, je pourrais peut-être rajouter un point ou deux. Premièrement, c'est l'écriture d'une femme qui écrit vraiment en tant que femme et qui parle du corps des femmes de façon spécifique en tant que femme, et c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui ne se réclame pas du féminisme, et pourtant on peut trouver dans ses écrits une force, je dirais, féministe. Et d'autre part, ce qui est sans doute passionnant chez Charlotte Delbo, c'est le fait que tout ce qu'elle a écrit, à mon sens, doit être lu comme on lit au théâtre. Et c'est seulement en le lisant à haute voix, même si c'est dans notre tête, qu'on peut percevoir ces textes. D'ailleurs, elle a aussi écrit des pièces de théâtre qui, à mon sens, n'ont pas la qualité de ses autres écrits d'un point de vue littéraire, mais qui sont très intéressantes. Elle a écrit quelques essais aussi assez brefs que je recommande. La mémoire et les jours, publié en 85 juste après sa mort, est un livre de courts textes que je recommande à tous les étudiants et tous les jeunes qui veulent réfléchir sur le monde d'aujourd'hui, parce que vous avez les réflexions d'une femme qui a vécu ce qu'elle a vécu à la veille du 21e siècle et qui est capable de trouver des équilibres, des associations que bien d'autres ont mis 20 ans de plus ou 30 ans de plus à faire. C'est beaucoup plus tôt. Paul Graboll, si on veut essayer de cerner un peu mieux la personnalité de Charlotte Delbo, profitant de la connaissance que vous avez de sa vie et de sa biographie, il faut rajouter à l'éventail les endroits dans lesquels Charlotte Delbo s'est trouvée, auprès des Nations Unies pendant un petit moment, largement dans le théâtre, on aura l'occasion de le préciser à quel titre, avant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on a déjà compris, c'est-à-dire l'endroit où elle va se retrouver. On peut peut-être déjà s'intéresser à la partie avant la Seconde Guerre mondiale. Par quoi passe-t-elle ? C'est une femme qui est issue d'un milieu ouvrier immigré italien, qui va avoir une formation de base, comme on donnait aux gens du peuple, comme on le disait à l'époque, qui est devenue secrétaire, qui est devenue militante, hein, qui, par le biais de ce militantisme, s'est rapprochée du Parti communiste, où elle a rencontré son mari, Georges Dudac, personnage tout à fait intéressant. Donc vous dites la biographie reste encore à faire. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. L'excellente Anne Simonin, grande historienne de ce mouvement intellectuel de gauche de l'entre-deux-guerres, l'a encore suggéré assez récemment. On a ici un personnage qui a servi d'homme de liaison pendant la Deuxième Guerre mondiale entre Aragon et le Parti communiste dans la zone occupée, qui a fait passer 3 fois Aragon au nord pour le raccompagner au sud. Mais la singularité de Charlotte Delbault n'est pas seulement, bien sûr, d'être devenue en 36 la femme de Georges Dudac, qui a été exécuté par les Allemands, comme vous le savez, en 41, et avec Politzer et quelques autres, un groupe de résistants intellectuels communistes. Hein. Mais Charlotte Delbault est quelqu'un d'exceptionnel parce que, grâce à Georges Dudac, elle s'est lancée dans une forme de journalisme militant pour les Cahiers de la Jeunesse, qui était un organe que son mari dirigeait avec aussi l'appui de Paul Nizan, un nom qui dit peut-être encore quelque chose. Et à ce titre, elle a interviewé Louis Jouvet. Elle interviewe Louis Jouvet. Malheureusement, il faut également préciser, grand homme de théâtre, mais aussi de cinéma français, qui dirigeait son théâtre à lui, hein, l'Athénée Louis Jouvet, qui était formateur, qui a formé des légions de comédiens en France, et dont les cours ont été transcrits en partie par Charlotte Delbault. Sténotypé, puis retranscrit par elle. Elle sténotypait le matin, elle réécrivait l'après-midi, puisqu'elle a abandonné toute autre forme de travail et est devenue une des assistantes de Louis Jouvet. Semble-t-il d'ailleurs la seule qui n'ait pas succombé à son charme à un moment ou à un autre, au sens biblique du terme. Donc une très forte personnalité, hein. Il faut bien voir que Charlotte Delbault était vraiment quelqu'un, on l'entend dans l'émission qu'elle a faite avec Jacques Chancel, avec sa gouaille un peu digne d'Arletty. C'était une femme bien campée sur ses jambes et qui a survécu à Auschwitz aussi grâce à ce caractère extrêmement ferme. Radioscopie. Radioscopie, Charlotte Delbault, Jacques Chancel. Extrait de Radioscopie de Charlotte Delbault par Jacques Chancel, le 2 avril 1974 sur France Inter. Parler est important parce que c'est vraiment la preuve que vous existez. J'étais très malheureuse pendant un certain temps où j'ai eu soif. Une soif si atroce que je n'avais plus de salive dans la bouche. Et quand on n'a pas de salive dans la bouche, on ne peut pas parler. Eh bien, j'ai cru devenir folle, là. Et sans mes camarades, je serais certainement morte. Parce que je ne parlais pas. Je ne pouvais pas répondre. J'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai commencé à écrire des romans quand j'avais 15 ans. Dieu merci, tout a disparu quand j'ai été arrêtée. Je n'ai plus rien retrouvé de mes vieux trucs. Parce que peut-être que maintenant, j'en aurais un peu honte. Mais non. Quand j'ai rencontré Louis Jouvet, encore une fois par hasard, puisque j'allais l'interviewer pour un petit journal d'étudiants, comme font tous les groupes d'étudiants de philo, eh bien, il m'a demandé ce que vous vous intéressez au théâtre. Oui, certes, j'allais toujours dans les places à 4 francs, tout là-haut. Et Est-ce que vous avez songé à faire du théâtre ? Je dis, moi, non, jamais. Jamais. Ça ne m'était jamais venu à l'idée. Et quand j'étudiais la philosophie, il me dit, mais ça vous intéresse, la philosophie ? J'ai dit, oui, mais ça me passionnait. Trop d'idées, a-t-il dit. Enfin, j'ai été 27 mois en déportation, c'est vrai, après avoir fait 10 mois de prison en France auparavant. Ça me fait une très longue absence. Que ma vie en ait été modifiée, je ne sais pas. En tout cas, le contenu de mes écrits, certainement. Que je le porte encore, eh bien, vous voyez, c'est une question à laquelle il semblerait très insolent ou très prétentieux de répondre comme je vais le faire. Je ne le crois pas être le porté. Peut-être que, en l'écrivant, je le projette hors de moi. Pour moi, je vais en faire un portrait terrible parce que je suis assez... Bon, le fait que j'étais à Auschwitz, pas pour rien. Je n'ai pas été arrêtée par hasard, j'étais dans la résistance. Donc, je suis quelqu'un d'assez brave. Eh bien... Et je n'ai jamais eu peur ni des gendarmes, ni de quoi que ce soit. Mais j'ai toujours eu peur de Jouvet. Alors, quand je suis rentrée, je lui ai dit... Eh bien, savez-vous, je disais quand j'étais là-bas, si je rentre, je n'aurai plus peur de Jouvet. Il en a pleuré. Extrait d'Elvire Jouvet 40, spectacle de Brigitte Jacques d'après les cours de Louis Jouvet, sténotypé par Charlotte Delbault. Louis Jouvet, interprété ici par Philippe Clévenot. Elvire est dans un état qui est si fort intérieurement, c'est si plein d'amour intérieurement, qu'elle est quasiment inconsciente de ce qu'elle dit. C'est une somnambule qui entre. Or, ta marche d'entrée est une marche consciente déjà. On sent que tu entres volontairement. Tout ce que tu dis là-dedans est conscient d'un bout à l'autre. Tu donnes l'inverse du morceau, c'est-à-dire une conscience constante, une politesse mondaine. Avec l'accentuation de certains mots, ça fait discours du directeur de conscience à sa pénitente, alors que le morceau est le contraire. Ce morceau est étonnant, stupéfiant, parce que cette femme se met tout à coup à parler sur un ton avec une éloquence, dans un style ravissant, qui jaillit d'elle inconsciemment. Tu nous donnes, toi, l'impression d'expliquer ce que tu dis, de le détailler, la marche d'entrée. C'est quelqu'un qui entre dans un état d'égarement total. C'est l'égarement de Lady Macbeth. Toi, tu sais ce que tu vas dire tout le temps. Tu n'es pas arrivé à cet état de congestion intérieure, de congestion de sentiments, de congestion de sensations. Tu n'es pas arrivé à cet état qui te donnera l'égarement, l'inconscience de ce que tu dis, qui par conséquent te donnera ce détachement céleste dont je te parlais tout à l'heure, ce ton prophétique qui est stupéfiant. C'est ce que tu n'as pas là-dedans. Même tes gestes sont les gestes que tu fais quand tu veux les faire. Quand tu fais un geste, ton corps suit le geste. C'est tout toi qui participes à ce geste. Alors que les gestes d'Elvire sont des gestes inconscients. Ce sont des gestes d'extatique. C'est quelqu'un qui est dans un état d'extase. Il y a dans ce personnage une fixité intérieure qui lui donne un côté hagard et extatique. Alors que chez toi, il y a une inclinaison de la tête voulue. Cela se trahit continuellement dans la diction. Il n'y a pas une accentuation dans tout ce que tu dis. Ça sort rond, ça sort creux aussi, c'est un débit monotone. Tu as dit, ma retraite est résolue en 3 temps. Au plus grand de tous les malheurs, ce sera une joie incroyable. Ce qui prouve que tu n'es pas dans l'état physique du personnage, alors tu cherches à le remplacer avec des gestes, avec le texte. Et surtout, tu parles à Don Juan, c'est une femme à ce moment-là qui parle devant elle, donc complètement au public. Elle entre, elle lui dit, ne soyez pas surpris, Don Juan, j'ai quelque chose à vous dire. Elle a les yeux baissés, presque. Quand on a couru pour venir dire quelque chose de très important, on ferme les volets de ses yeux pour rester seul avec ses pensées, avec ce qu'on a à dire. Elle lui dit, ne soyez pas surpris de ceci, ne soyez pas étonné de cela, et ça part face au public. Thank you. Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance. Suite de l'entretien avec Paul Gradvol. C'est rien de dire de l'anonymat de Charlotte Delbault, car quand, et c'est sans le savoir la première fois que je découvre le travail de Charlotte Delbault, je vois, revois et re-revois et montre à mes élèves de théâtre l'Elvire Jouvet 40, mise en scène au milieu des années 80 par Brigitte Jacques avec le regretté Philippe Clévenot dans le rôle de Louis Jouvet et Maria de Medeiros dans le rôle d'une jeune comédienne apprenant le rôle d'Elvire ou tentant de jouer la scène d'Elvire de Don Juan. Je suis subjugué par ce travail. Sans savoir que c'est Charlotte Delbault qui a, avec ses petits doigts, sténotypé les cours et les indications de Jouvet, qui sont donc interprétés magnifiquement par Clévenot. Et quand j'ai écouté il y a peu un entretien avec Brigitte Jacques de l'époque, où elle raconte comment l'idée lui est venue, pas un instant dans ses réponses, elle ne mentionne le nom de Charlotte Delbault, c'est dire l'invisibilité de la personne. Mais puisque je sais que ces choses-là vous intéressent, elle était invisible, bien sûr, aux côtés de Jouvet. Elle était invisible aux côtés d'Henri Lefebvre, pour lequel elle a travaillé à partir de 1960-61. Si tu es là aussi. Henri Lefebvre, philosophe, proche du Parti communiste, puis qui s'en est éloigné et un peu rapproché à la fin de sa vie. Et dans les années 60, c'est un des philosophes français les plus en vue. Je rappelle à nos auditeurs suisses qu'une partie de ses travaux, certes marxistes, mais néanmoins toujours d'actualité, ont porté sur l'espace et la ville. C'est un des penseurs de l'espace. Il n'y en a pas tant que ça. Et je peux dire, pour avoir vu dans les archives les notes que rendait Charlotte Delbault à Henri Lefebvre sur ses écrits, qu'elle ne laissait rien passer. Donc elle pouvait tranquillement écrire, la moitié de ce livre est achetée, le reste il faut réécrire. Et donc, les œuvres publiées par Henri Lefebvre sont certes ses œuvres, il n'y a aucun doute, mais souvent, l'ombre de Charlotte Delbault, le tamis, l'aiguillon aussi, sont présents, et cela nous rappelle que dans l'histoire de la science, il n'y a pas que Einstein qui a réussi à effacer sa femme. Il y en a beaucoup d'autres, qu'il s'agisse de relations maritales ou non, et ça devrait nous questionner sur ce qu'est l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté scientifique. Mais je crois que c'est un des sujets qui vous motive en ce moment, donc bon courage. Nous reprendrons demain la suite de cette biographie de Charlotte Delbault en compagnie de Violaine Gély. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.